de te tenir la main sur fond de clair de lune et de faire des projets. Non, pas question de nous aimer sans fin, à chacun sa, chacune vive le menuet. Moi je plus que sur une énergie dure, car rien n'est relatif à mon hypoténuse. Donc faire de la dépense par mes rebelles, je casse ta cabane, t'as pas la science infuse. Va pas ton corps, juste bouge pas. Va pas ton corps, juste bouge pas. Moi je peux pas être comme dans le temps, ce migraignon, ce mignon-gnon. Moi je suis rock, je ne sens pas mon front, soit pour copier dans sa paddock. Habillé de briques et de broc, je te fais peur et je te choque. Un tyran déglingué, un violent éclaté. Et si je vis c'est pas pour le pinard, je vis pour le panard dans un monde d'anard. Moi j'ai horreur de tous les gens en corps bleu. Je veux brûler ma vie, c'est ma philosophie. Je ne veux pas vivre comme un minos, comme un gugus de plus, minus, crocus, ricus. Donne-moi ton corps, juste pour le sport. J'ai envie de ricaner quand tu te mets à rêver que moi je vais t'aimer. Je veux seulement faire la bête à deux dos, cultiver mon pavot et danser le pogo. Je ne veux pas de tes yeux langoureux, tu vas me faire flipper, je sens déjà que je craque. Je suis comme une bombe, écoute mon beau tic-tac. Moi il faut que j'éclate, alors fais pas d'arnaque. Donne-moi ton corps, juste pour le sport. Donne-moi ton corps. Non, pas question de te tenir la main sur fond de clair de lune et de faire des projets. Non, pas question de nous aimer sans fin, à chacun sa chacune et vive le monde.